On va parler des Saguenay-Chicoutimi avec notre collaborateur Sébastien Morin. Salut Sébastien. Denis. Sébastien, ben, t'as peut-être vu le reportage que je veux te parler. La semaine passée, moi j'écoute toujours le magazine 30 minutes de la Ligue du hockey du Québec à TVA Sport. Michael Lancette est arrivé ici, est venu ici pour faire un reportage, ben, à Saguenay pour faire un reportage sur Jermaine Rutsoff et de la manière qu'on communiquait avec quelqu'un qui parlait pas anglais ni français. C'est assez spécial, hein, de la manière que que Yannick Jean et toute l'organisation doit se tourner. Puis je me dis, imagine-toi, mais qu'ils comprennent encore mieux. Ça va être encore. C'est déjà surprenant son rendement, mais mec, il y a une meilleure communication, ça, ce gars-là, ça va être terrible. Mais le langage du hockey est universel, puis c'est vraiment vrai. Hein. Les Toi, hein? termes sont connus des joueurs de partout dans le monde, même si Roubtsov ne parle pas la langue anglaise ou français. Les termes, t'sais, shoot, score ou n'importe quel autre lancer, là, c'est connu de ces joueurs-là. Ça aide un peu à la communication pour ce qui est du hockey. Là où la barrière de la langue a peut-être paru le plus, c'est quand il s'est blessé dans le match là, il y a 2 semaines, le jeudi soir, après sa deuxième présence. C'était contre les Cataractes de Chamonix, en tout cas contre les Huskies de Rouyn-Noranda, pardon. C'est là où on a vu la barrière de la langue. Pour des termes médicaux, quand c'est plus pointu, c'est là que c'est plus difficile. Sauf qu'on a pris des solutions. Le lendemain, on a fait venir un interprète pour être sûr qu'on ait vraiment le pour, en fait, le pouls de Roubtsov sur sa blessure qu'il avait subie la veille. Puis ça s'est réglé très rapidement. À chaque jour, il y a une amélioration dans son cas. Suit des leçons d'anglais par un traducteur sur un ordinateur. On a acheté un logiciel pour ça. Roubtsov, il suit des leçons d'anglais presque à tous les jours au Centre Georges Vézina pour s'améliorer rapidement et être prêt justement pour les séries éliminatoires, avoir une bonne communication. Je te garantis pas qu'il va donner des entrevues en anglais d'ici la fin de la saison, mais il est capable de communiquer maintenant pour demander des choses et se faire comprendre. Puis Zourkinov est toujours très prêt. S'il y a un problème pour faire comprendre quelque chose là, pour un match de hockey avec Yannick Jean. OK, mais j'imagine que ça va s'améliorer encore. Tu sais, c'est des petits détails, puis ça va être encore plus grand, là, mais que tout ça soit corrigé. Tu sais, Exactement, ouais. mais il n'y a pas grand-chose à corriger. Je vais te le dire, ben, franchement, c'est un joueur très, très, très intelligent. Il apprend très vite et surtout sur une glace. Il est dominant sans bon sens. Là. Il est bon. Hier aussi, il était magistral. Dans une performance d'un but deux passes, là, dans une victoire des Saguenay par la marque de 4-3 sur Rimouski. Les gens là-bas à Rimouski auraient pu donner la première étoile à Tyler Bolland, qui a été excellent aussi. Mais c'était vraiment le meilleur joueur sur la glace là, hier, German Rutsoff. OK. Si on parlait maintenant des autres matchs en fin contre les Foreurs de Val d'Or, ça n'a pas grand double. Il y a eu pas mal de monde encore. Exactement. Le jeudi, c'était les Jeux du Québec d'Alma qui étaient ouais. présents. Merci d'ailleurs à la gang du Lac qui ont fait le chemin pour venir au match le jeudi soir. Ça n'a pas été une très bonne première période des Sags, mais par la suite, ça s'est beaucoup amélioré. Un seul but à 5 contre 5 en 8 périodes, c'est ce que ça donne dans les matchs le jeudi, vendredi, dimanche chez les Sags. Jeudi, ça a été un peu plus difficile, mais les Sags ont réussi à revenir. T'sais, c'était 11-1 à un moment donné, en première période, des lancers pour les Foreurs de Val-d'Or. Et ça s'est terminé 30-27 au chapitre des lancers chez les Sags avec la victoire de jeudi. Plus ça avançait, plus ça allait mieux. Les Sags étaient inactifs depuis à peu près une semaine. Nicolas Roy n'avait pas pratiqué de la semaine. Ça a été un peu plus difficile dans le début de match, mais ça s'est amélioré et plus ça avançait. Le lendemain, ça a été ça a été beaucoup plus facile de dominer les Foreurs de Val-d'Or qui ont été contenus à un seul but accordé par Xavier Potvin qui a été très bon encore une fois ce soir-là. Mais les Sags qui étaient magistrales dans cette victoire-là, ça a été... en fait, j'avais posé la question avant le match hier à Rimouski, à Yannick Jean, puis j'ai demandé qu'est-ce qui était le plus fier, les 6 buts des Sags ou encore les 12 lancés seulement accordés aux Foreurs en 3 périodes de hockey. Et il était très satisfait des 12 lancés accordés seulement au Foreurs de Val-d'Or, ça dit à quel point les Sags, s'ils restent disciplinés, à 5 contre 5, là, ça va être très difficile de marquer contre les Saguenay-Chicoutimi. Ils sont très responsables défensivement, perdent très peu de combats contre un présentement et ont une très bonne relance du côté de l'attaque. Puis la meilleure défense restera toujours l'attaque, même dans le hockey aussi. Quand tu contrôles la possession de la rondelle, tu es en bonne position de marquer des buts ou encore de faire des jeux gagnants. Puis les Sags, présentement, c'est ce qui se passe. Puis ça a été une belle démonstration de ça vendredi soir au Centre Georges Vézina, dans une belle victoire de 6-1 face aux Foreurs de Val-d'Or. Okay. Là, dimanche, on s'est dirigé du côté de Rimouski. Puis ça a été presque parfait. En fin de troisième, il y a eu 5 contre 3 qui est accordé à l'Océanique. On a enlevé le gardien. Donc, on est tombé à 6 contre 3. On a marqué un deuxième but, puis un troisième. Et ça s'est terminé dans les dernières secondes avec une victoire des Sacs de 4 à 3. Une semaine parfaite, 7 victoires de suite. Dans les 10 derniers matchs, seulement une défaite en temps réglementaire face aux Cataractes de Shawinigan. Puis là, il y a une grosse semaine qui s'en vient pour les hommes des Yannick Jean. C'est mercredi, c'est Blainville-Boisbriand. Après ça, jeudi, c'est Baie-Comeau, c'est ça? Non, vendredi, Baie-Comeau et samedi, c'est la visite des Sea Dogs de Saint-Jean. Donc, pour ce qui est de l'Armada, mais ça va être un gros match de 4 points. On va prendre le cliché. L'Armada qui sont devant les Sacs au classement de la LHJMQ. Puis bon, ben vendredi, une petite balade du côté de Baie-Comeau. C'est pas un match qu'il faut prendre à la légère. C'est un 2 points qu'il faut aller chercher absolument chez les Sacs. Le Drakkar, on en a perdu assez cette saison des matchs dans la première moitié face à cette équipe-là qui se bat pour une place en série. Les Sacs se bat pour une position dans le haut du classement de la LHJMQ. Donc, il n'y a pas de raison de lever la tête ou de prendre ça à la légère. Il va falloir gagner ce match-là de façon très convaincante vendredi pour être prêt pour la partie de samedi. Puis en même temps, conserver les énergies pour le gros match de samedi à 16h face aux Sea Dogs de Saint-Jean au Centre Georges Vizina. Bravo. Ben, Sébastien, on va se reparler la semaine prochaine. Avec plaisir. C'est la chronique des Seigneurs de Chicoutimi, Sébastien.